De 7 à 777 ans. De 7 à 777 ans. Elle avait de 7 elle à avait, 7777 ans. 7 à 7 777 ans. En 88. En 88. Écoutez, je vais vous dire une bonne chose, monsieur. Un scandale. Écoutez, je vais vous dire une bonne chose. En 1988. En 1988. Gilles Kaplan avait 7 milliards. 7 milliards. J'ai les chiffres devant moi. 17. Qu'avez-vous fait en 1792? Vous n'avez rien fait. J'ai les chiffres. Cette fille n'est pas pour toi un moment charnière dans la carrière d'une poétesse sonore. Quoi. Cette fille n'est pas pour toi, 1990. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, bleu, rouge, vert, jaune, froid, chaud, blé, chien, madame, chien, vert, l'arbre, les belles plantes, bravo, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, à table. tiens, tiens, c'est joli, le petit chien qui nage là. On n'a jamais su. Elle a jamais voulu dire. Elle a jamais su. On a jamais su. Elle a jamais su. On a jamais. Elle a jamais voulu dire. C'est un berger. C'est un berger Bernard, je crois. Laurent Gérard, vous, que pensez-vous des spectacles d'art en général? C'est une très très bonne question et je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. T'en pourrais déjà répondre à cette question, qu'est-ce qu'un spectacle d'art? Un spectacle d'art est différent d'un spectacle traditionnel car on y injecte de l'art à l'intérieur. C'est ça. Prenons par exemple un spectacle de fin d'année d'une école primaire. Des enfants dansent autour d'un faux bûcher. Une musique est jouée par-dessus, les enfants dansent et chantent en mimant les paroles, c'est du playback. Spectacle d'art. Ce n'est clairement pas un spectacle d'art. Ce n'est clairement pas un spectacle d'art, car dans un spectacle d'art, il y aurait un point de vue d'artiste. L'artiste peut être le personnage principal du spectacle d'art ou le metteur en scène d'art. Qu'est-ce que c'est qu'un metteur en scène d'art ? Un metteur en scène d'art, contrairement à un metteur en scène, c'est un metteur en scène qui injecte de l'art dans un spectacle traditionnel. Vous avez très bien parlé, LG. Merci beaucoup, Damien Schultz. Vous avez très bien parlé, LG. Merci beaucoup, Damien Schnulz. Vous avez très bien parlé, LG. Je vous remercie de la part de toute l'équipe, monsieur Daniel Schlunz. Vous avez très bien... Je vous embrasse très fort. Je t'embrasse très très très très très très fort. Je vous embrasse, je vous fais de gros gros bisous. Merci, vous avez très bien parlé, LG. Je vous fais de gros... Je vous fais de gros... Je vous fais de gros gros gros gros gros... Je vous fais de gros gros gros gros gros gros... Je vous fais de gros gros... Je vous fais de gros bisous, de gros gros bisous. Toute l'équipe. Toute l'équipe. Toute... Toute l'équipe nous fait de très grosses bises. Je t'embrasse, Laurent. Vous avez très bien parlé. Je t'embrasse, Laurent. Votre explication du spectacle d'art de la part de toute l'équipe... De la part de toute l'équipe... Votre explication nous a non seulement éclairé... Enchanté. Et toute l'équipe... Enchanté. Vous... Fait de très gros bisous. Délicieux et intense. Délicieux. Tout doux le et délice, mouillé. Le délice d'un bon le bisou bien fait. De l'art. Le délice d'un bon bisou au lard. Bien fait. Un bon bisou. Donc maintenant c'est mieux et j'ai augmenté vos casques. Ok. Alors, j'ai augmenté vos casques, sorti de son contexte. Ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire, j'ai augmenté vos casques, ça ne veut plus rien dire. On peut pas. On n'augmente pas un casque. Pas un parce casque. Que ça veut dire quoi, augmenter un casque? Ça veut rien dire. Arrêtez. C'est une ellipse. Mais ça veut rien dire, quoi. Merde. Augmenter un casque. Mais c'est n'importe quoi. Mais vous racontez n'importe quoi, monsieur Gérard. On n'augmente pas un casque, merde! Monsieur Schultz. Écoutez, j'attendais cette question. Monsieur Gérard, j'ai très clairement les chiffres devant moi. En 1992, parlons du Parti Socialiste, ça fait depuis tout à l'heure que vous me parlez des chiffres du Parti Socialiste. Je suis désolé, ne faites pas de la rhétorique de bas étage. Écoutez, monsieur Schultz, je crois que ne faites pas de la rhétorique de bas étage, monsieur vous Gérard. Vous êtes allé à l'ENA comme moi, vous savez très bien qu'on a besoin de chiffres pour expliquer les choses et expliquer la situation. On les fait parler, les chiffres. Je suis désolé, monsieur Schultz. On les fait parler, les chiffres. Je suis désolé, monsieur Schultz. On les fait parler, les chiffres. Je vous ai laissé parler tout à l'heure, laissez-moi parler maintenant. Et là, je ne vais pas vous parler de chiffres, je vais vous parler de faits. De faits. Il y a un enfant. Un enfant sur quatre qui, en 1987, et la situation s'est aggravée en 88, en 89, en 90, en 91, en 92. Bien sûr, c'est la plus belle. à l'heure, rouge et pointu devant, rouge, rouge et pointu devant, rouge et pointu devant, rouge et pointu devant, rouge et pointu devant, rouge et pointu devant, rouge et pointu devant, rouge et pointu devant, rouge et pointu devant, rouge et pointu devant, rouge à 200. À 200, à 200, à 300, à 400, à 400, à 500, à 600, rouge, rouge, à 600, pointu devant, vite, vite, rouge, vite, vite, vite. Les anneaux du Jupiter s'envolent dans les airs de la stratosphère. C'est une strate qui est composée de plusieurs strates en elle-même. Et de plusieurs mologiques aussi, c'est ça hein. Il y a environ 7 mologiques. Les 7 mologiques. Alors, septentrionologique, c'est un des exemples que je peux trouver. Puis il y en a plein d'autres. Attendez, j'en ai plein dans ma petite boîte. Quand j'ouvre ma petite boîte, vous avez de combien de vous avez combien de strampipologiques dans votre petite boîte de Pandore? C'est un mélange de métallogie, de scampi, de scampi, de métal. Il y a le métal, des champignons. Les champignons. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre aussi des échardes. On pourrait mettre des échardes. À table. On pourrait mettre des écharpes. On pourrait mettre des petits bouts de mur qu'on aurait coloriés. À table. C'est prêt. À table. À table. Qu'est-ce qu'on mange, maman? Qu'est-ce qu'on mange, maman? À table. Chérie. À table. Chérie, les enfants. À table. À table. À table. À table. Chérie, les enfants. Qu'est-ce qu'on mange, maman? Deep. Oh non. Deep. Rime. Nous avons très clairement entendu un bruit, ça faisait. C'était très étrange, Hier soir, exactement à minuit, nous avons entendu un fort beau bruit. Un fort beau bruit. Oh, quel fort beau bruit. Nous avons entendu un fort beau bruit qui faisait exactement. Il était exactement minuit quart. Nous avons entendu très clairement un fort beau bruit. Très beau bruit, très étrange dans la nature. Ça ne s'entend jamais dans la nature un beau bruit comme ça. Elle était exactement à minuit 8h du matin. Très exactement, minuit 8h du matin. Et nous avons entendu un fort beau bruit indressant qui faisait vroute vroute vroute. C'était bruit fort intéressant. Très intéressant. Entre 24 heures et 24 heures. Très précis, entre 24 heures. Que faisait ce bruit? Hier, entre 24 heures, nous avons entendu un fort bon bruit. Très fort. Très intéressant. Très intéressant. Il était très intéressant. Et cheveux forts. Bon bruit. Très Frutto, frutto, frutto, frutto, frutto, frutto, frutto, frutto, frutto, vif, vif, de frutto, frivoli, de frutto, vivi, de frutto, fru, fru, fru, de fru, fru, fru, fru. Et ça a duré comme ça pendant tes soeurs et tes soeurs. Et après, un peu plus tard dans la journée, nous avons entendu le deuxième fort pour bruit intéressant. Qui faisait... Maman, t'as mis où le gel intime? Maman, maman, maman! Maman, t'as mis où le gel intime? Non, alors non, c'est comme ça. Clotilde, hier, vous m'avez dit quelque chose. Oui. Et cela m'a fait extrêmement plaisir de l'entendre, de vous l'entendre dire. Est-ce que vous pourriez, Clotilde, s'il vous plaît, me répéter cette phrase? Smegma, c'est les Marx Brothers qui feraient du AMM. Charmante mademoiselle. Cherche quelque chose. Tu cherches. Cherche quelque chose. Vous êtes charmante mademoiselle. Cherche quelque chose. Cherche quelque chose à fumer. Cherche quelque chose à fumer là. Charmante mademoiselle. À 20, à 50, à 100, à 200, à 1000. Charmante mademoiselle. Cherche à 1000, à 2000. Cherche quelque chose. Petit. Petit gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, gras, g Gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra gra. Ça c'est trop, j'en voudrais juste un tout petit peu, un peu moins, encore un peu moins, j'en voudrais juste un tout petit peu plus, non, un tout petit peu moins, encore, encore, encore, stop, un tout petit peu moins, un tout stop, petit peu, un tout petit peu plus, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, un tout petit peu, oui, comme ça, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, oui, un tout petit peu plus, non, non, non, non, non, non, non, non, non, stop, non, stop, un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, un tout petit peu moins, encore, encore, encore, encore. Encore, encore, encore, encore, encore, encore, encore moins, encore, encore, encore, encore, non, non, encore, encore, encore, encore moins, encore moins, encore moins, ouais, ouais, non, stop, comme ça c'est bien, ouais, comme ça c'est bien, ouais, un peu plus, un peu plus, un tout petit peu plus, allez, un tout petit peu plus, allez, vas-y, vas-y, vas-y, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, vas-y, vas-y, souffle, souffle, souffle, souffle, voilà, voilà, voilà, de haut en bas, voilà, t'y vas, stop, stop, stop, voilà, bien, bien. On est comme ça, on est bon là, on est bon là. On est bien, non on est pas bon, non on est pas bon. Encore un tout petit peu plus, encore un tout petit peu plus. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. C'est bien. J'ai pas dit que je disais pas 1, j'ai dit que je faisais 3, 2, 1, stop. Et c'est sur le 1 que tu t'arrêtes. Le stop étant simplement là pour mesurer le fait que tu sois bien arrêté. Je vais compter de 7 à 77 ans. Et quand je serai arrivé à 77 ans, tu t'arrêtes. C'est très simple. Tu as compris les règles ? Je compte de 7 à 77 ans en temps réel. En temps réel. Ça va être long, mais on va prendre le temps. Hein, on est là pour travailler. Et à 77 ans, bien, tu arrêtes. Voilà. On vient d'entamer donc la première année. Première année, c'est en temps réel. C'est toujours pas maintenant, parce qu'en fait, un an, c'est combien de temps ? Ça dure combien de temps ? Un an, ça dure un an. Un an, c'est entre 12 mois et 12 mois. Entre 12 mois et 12 mois. 3600 Il y aurait un équivalent en fruits ou en viande ? En année, combien ? En mètres, alors ça doit être 1500 mètres. En mètres, une année, voilà. C'est 1500 mètres. Et en viande, par exemple, l'équivalent. À peu près, un équivalent en viande, à peu près. Un équivalent viande, je sais pas. Combien ? 4. 4 ? En maison, ça fait combien de maisons ? Ça fait combien d'années en maison ? Et pareil, une maison, ça fait combien d'années ? Ça dépend de la taille de la maison. Une petite maison. Faudrait combien ? Oui. Oui. Et encore. Et encore. Je suis pas sûr. Je sais pas, je suis pas sûr. Et en couleur, par exemple. Un an en couleur, c'est quoi ? C'est un équivalent en couleur. Allez, allez, donnez-moi. Comme ça. Pour les comme allez, ça, ça pour, sort pour comme faire ça. Comprendre aux gens. Allez, un an, ça dure combien de temps ? Pardon, un ça équivalent dure bleu. En couleur. Ça dure ça bleu. Dure bleu. Ça dure bleu. Et combien ? 4. 4. Et 4. Demi. 5. 4, 5. 5. Allez, 4, 5. 4, allez. 5. C'est à peu près, hein. On a une fourchette. C'est un équivalent, c'est pas. 4. 4,5, 5, à la rigueur. Ouais, ouais. À la rigueur. Ouais, ouais. 6. Oui. Grand maximum. Hein, c'est vraiment... maximum. C'est grand maximum. Alors, 7. C'est une sacrée année quand même quand c'est 7. Je dirais... Grosso merdo. 7. À la rigueur. À la rigueur. À la rigueur, 7. On admettrait, à la rigueur, 7. 8. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Je t'en mets combien ? Allez. Je t'en mets combien ? Allez. Je t'en mets combien ? Allez. Dans ton panier. Je t'en mets combien dans ton panier ? Allez. Allez, 9. 9. Oui. Je t'en mets 9. Je t'en mets 9 dans ton panier. Eh bien. Crac, mais je. Walk in progress. Ok. Walk in progress. Crac. Un truc aux États-Unis là. Ah ouais. Voilà. Ouais. Crac. C'était un peu bizarre d'ailleurs comme idée, mais pourquoi pas. J'avais vu que. C'est quoi ? C'est un groupe de messes à Ashkraken. Ashkraken. 45, je crois, non ? Ouais, ouais. Ok. Voilà, voilà. Des magazines de mode en fait. Fou. Il y a des bols, il y a un saladier de capote. Un grand saladier de préservatifs, allez-y. Allez-y, hein, c'est ça, c'est fait pour, hein, ouais, ouais. C'est fait pour, allez-y, il est là. Madame, je sens que vous êtes intimidée par les préservatifs. Oui, vous non. Vous voulez pas en prendre un. J'ose pas. Prenez un. Mais je peux. Non. Plongez votre main dans le saladier de préservatif, vous prenez un préservatif, et puis après vous faites ce que vous voulez. D'accord, non mais... C'est pas... On n'est pas non plus obligé. D'accord, bon bah alors d'accord. Bah prenez-en un. Allez, voilà. Allez, voilà. Est-ce que je fais une salade avec le fromage ? Non ! Attendez, je vais nettoyer les assiettes comme ça. C'est... Oh, moi j'aime pas manger le fromage dans la sauce de la viande, je vais enlever... Mais si vous êtes demain sur le chemin, et vous êtes à 5 km de la maison, passez à la maison et on fera un petit truc à manger, vous venez ! Non ! Mais si, venez! Non, je veux pas gêner! Non! Non, mais non! Mais c'est simple, si, par exemple, la dernière fois vous êtes pas passé, mais c'est pas grave si c'est nous qui sommes venus la dernière fois chez vous, et qu'on est retourné une deuxième fois chez vous, c'est pas grave, vous avez qu'à venir deux fois chez nous. Non! Non! Fais une salade avec le fromage. Non. De toute façon, c'est trop tard. Puis si, je comprends pas parce que si Michael s'est endormi dans la chambre d'amis, vous allez pas rentrer. Vous avez qu'à dormir dans la chambre à côté. Puis on vous met des draps. Y a pas de problème. Mais allez-y. Non, on va pas déranger. Non, mais on va rentrer. On va rentrer. C'est pas trop tard. On va rentrer. Restez avec Patrick. Non, Patrick, il sera content quand il reviendra du travail. Non, mais écoutez, Aline, c'est très gentil que tu nous proposes. Vraiment, mais on va rentrer parce que c'est un peu tard. On va rentrer et puis on va le réveiller. Mais la prochaine fois, avec plaisir. Non. On fait ça la prochaine fois. Mais si, non, si, mais si. Non. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Quelle élégance. C'est délicieux, la France. Viande en sauce. Viande en sauce culinaire. Le goût, le bon goût, la France. La France. L'ablier, vigneron. Le Luxembourg. Le Luxembourg. La France. Oh, la France. L'Espagne. La France, c'est rond, c'est grand, c'est la majesté, c'est la France. Écoutez bien la sonorité de ce mot. Ce mot a été construit pour être dit d'une seule façon. C'est délicieux. La France, la suprématie de la France. La Belgique. Regardez comme ça sonne. Regardez comme ça sonne. Belgique. La France. Merci pour le clic. Ah, c'est marrant, c'est une découverte, c'est bien. Ouais, tu verras, c'est super. Cette fille n'est pas pour toi. Can't signe de toi. La la la la la la la la la la la la la. Y'avait l'horizon, y'avait l'hérisson.